De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Depuis plusieurs années, les nutritionnistes recommandent de consommer au minimum 5 portions de fruits et légumes chaque jour pour être en bonne santé. Cependant, la culture de ces fruits et légumes requiert l'utilisation de pesticides, de nombreux pesticides. Alors conséquemment, des résidus de pesticides se retrouvent sur les fruits et les légumes que nous consommons. Est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Alors ce soir, Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire est avec nous pour faire le point sur ces résidus de pesticides. Elle nous parlera de l'Environmental Working Group et de sa mise à jour en 2015 du guide d'achat sur les pesticides dans les produits. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors, tout d'abord, Geneviève, parle-nous brièvement de l'Environmental Working Group. Qu'est-ce que c'est au fait? Oui, en fait, le groupe de travail environnemental, si vous me le permettez en français. Oui, bien sûr. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour principale mission de permettre aux consommateurs de vivre une vie plus saine dans un environnement plus sain. Donc, il aide les consommateurs dans leurs choix au quotidien par le biais de nombreuses recherches et par le biais aussi de l'éducation. Ah, en fait, nul n'est contre la vertu, hein? Oui. Alors, l'aspect de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement est donc important. Ils ont élaboré plusieurs guides, dont le guide d'achat sur les pesticides dans les produits. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'il a été conçu, ce guide? Oui, en fait, c'est un guide qui est mis à jour chaque année depuis 2004. Il regroupe l'analyse de la teneur en pesticides de 40 fruits et légumes différents. 48? 48, oui, qui sont les plus populaires là, auprès des Américains. Mm-hmm. Et les analyses ont été effectuées à partir de plus de 34 000 échantillons qui ont été pris par l'United States Department of Agriculture, donc le USDA, et de la Food and Drug Administration, la FDA. Il faut savoir que l'USDA ne teste pas tous les aliments tous les ans. Donc, le groupe de travail environnemental a utilisé la plus récente période d'échantillonnage là, pour chacun des aliments. Presque tous les tests ont été réalisés par l'USDA et leur personnel s'est chargé de laver et de peler eux-mêmes les aliments avant les analyses afin de reproduire un peu ou d'imiter là, les pratiques des consommateurs. Et à des fins de comparaison, le groupe de travail environnemental a examiné 6 mesures de contamination par les pesticides. Donc, je vous épargne évidemment le détail de ces mesures. Sachez seulement que le score final d'un aliment, c'est vraiment le total de chacun des scores de ces 6 mesures-là. Et au final, les aliments sont ensuite classés en ordre décroissant de leur teneur totale en pesticides, donc du pire au moyen. OK. Alors, on obtient donc une liste de 50 éléments au total, mais tout à l'heure, tu parlais de 48 fruits et légumes. Qu'est-ce qui explique cet écart? Oui, en fait, le groupe de travail environnemental fait la distinction entre la version qui est produite localement et importée de deux aliments en particulier, donc les bleuets et les pois mange-tout, car leur contenu là, en pesticides est significativement différent. Donc, c'est pourquoi qu'on peut voir dans la liste complète là, le bleuet USC, dans le fond, comme États-Unis, et bleuets importés. C'est le même cas aussi pour les pois mange-tout USC ou importés. Donc, mais pour l'ensemble là, des 46 fruits et légumes présentés dans le guide, le classement final s'est basé sur la combinaison à la fois de ces aliments importés et produits localement. OK. Donc, si je comprends bien, mis à part les bleuets et les pois mange-tout, les fruits et légumes produits localement et importés ont été analysés dans le cadre de ce guide. En fait, ont la même teneur en pesticides, c'est ça? Oui, exactement. OK. Alors, à partir de la liste complète qui comprend 50 aliments, le groupe environnemental a élaboré deux sous-catégories, la douzaine « sale plus », entre guillemets, là, et la quinzaine « propre ». Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que signifie la douzaine « sale plus » ? Comment on pourrait la définir ? Oui, en fait, la douzaine sale plus, en fait, c'est la traduction française de la dirty dozen plus. Aha. Donc, c'est la traduction française. C'est ça qu'elle peut paraître étrange de prime abord. Mais c'est une liste qui regroupe les 12 fruits et légumes qui contient le plus de pesticides. Okay. Donc, pour une cinquième année consécutive, la pomme figure au premier rang. Donc, c'est vraiment pas une surprise. Donc, ça signifie que c'est l'aliment le plus contaminé par les pesticides, bien entendu parmi les 50 qui ont été analysés dans le guide. Donc, en fait, pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait 99% des échantillons de pommes testés qui avaient au moins un résidu de pesticides. Malgré qu'elles sont pelées, là, je pense que c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Pelées et lavées ensuite. Donc, la pomme est suivie cette année par la pêche au deuxième rang et la nectarine Sainte-Catherine au troisième rang avec 98 et 97 des échantillons qui avaient au moins un résidu de pesticide. Et pour ce qui est du restant de la liste, donc du quatrième au dixième rang, on retrouve respectivement les fraises, les raisins, le céleri, les épinards, les poivrons, les cocombes, les tomates cerises, les pois mange-tout importés et la patate. Mm-hmm. Il n'y a pas un dicton en anglais qui disait « An apple a day keeps the doctor away ». Oui. Je ne sais pas si c'est encore vrai. Mais si on revient à nos listes, que signifie le « plus » dans la douzaine sale « plus » ? Oui, en fait, le « plus » va signifier qu'il y a deux types d'aliments qui ont été rajoutés là, à la liste initiale de 12 aliments. Donc, pour une troisième année, le groupe de travail environnemental a élargi sa liste pour mettre en évidence les piments et les légumes verts feuillus. Mm-hmm. Donc, c'est deux types d'aliments qui contiennent des traces de pesticides qui seraient très toxiques pour le système nerveux de l'homme. Alors, pour les curieux qui nous écoutent, ici, on fait référence là, aux organophosphates et aux carbamates. Ah, qui sont deux familles de pesticides. Exactement. Très toxique. Exactement. Alors, si je devine, la quinzaine propre regroupe des aliments, en fait, les moins contaminés. Exactement. La quinzaine propre, elle, dans le fond, c'est comme la traduction française de la Clean 15. Uh-huh. Donc, c'est une liste qui regroupe les 15 fruits et légumes qui vont contenir le moins de pesticides. Donc, l'avocat est l'aliment le moins contaminé parmi les 50 qui a été analysé, donc avec seulement 1% des échantillons qui contenaient des pesticides uh-huh. détectables. Et les autres fruits et légumes sont en ordre. Donc, au deuxième rang, le maïs sucré et s'ensuit les ananas, le chou, les pois sucrés congelés, les oignons, les asperges, les mangues, la papaye, les kiwis, l'aubergine, les pamplemousses, le pamplemousse et le chou-fleur. Mm-hmm. C'est étonnant qu'on voit des fruits comme le pamplemousse qui est quand même une carapace, c'est une écorce quand même assez épaisse. Hein? Oui. Malgré ça, il y en a. Pourquoi est-ce qu'on devrait être préoccupé par les résidus de pesticides sur les fruits et légumes? De quoi est-ce qu'ils peuvent, ou est-ce qu'ils sont responsables? Oui, ben en fait, c'est que les pesticides nous préoccupent énormément en ce moment et depuis quand même relativement longtemps aussi. Ils sont connus pour représenter un danger pour la santé humaine. Donc, il y a plusieurs pesticides à ce jour qui ont été liés, entre autres, au développement du cancer, mm-hmm. au dérèglement hormonal mm-hmm. ou éventuellement une toxicité au niveau du cerveau et du système nerveux. Mais il faut savoir que jusqu'à présent, on connaît très peu encore leurs effets sur la santé. Oui, parce que souvent, ces effets-là sont connus pesticide par pesticide, mais ils font pas des mélanges. Hein, parce que nous, on est exposé à un paquet de mélanges, oui, c'est ça. Quand on mange un aliment. Là. Effectivement. Oui. Mais avec tous ces pesticides sur les fruits et les légumes, est-ce qu'on devrait pas moins en manger? Est-ce que ça serait correct? Eh bien, non. Je vous dirais que la littérature scientifique à ce jour là, suggère que les avantages pour la santé d'une alimentation riche en fruits et légumes va l'emporter sur les risques potentiels mm-hmm. d'une exposition à long terme aux pesticides. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le fait de manger des fruits et légumes qui sont cultivés de manière traditionnelle, donc avec des pesticides, c'est beaucoup plus favorable pour la santé d'en manger que de ne pas manger du tout. Mm-hmm. On est rendu là pour l'instant avec les évidences qu'on a. OK. Et si on veut continuer à manger nos 5 portions de fruits et légumes, mais qu'on veut quand même réduire notre exposition aux pesticides, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien évidemment, c'est ça qui est le fun. On a des solutions. Donc, la première façon qui est bien connue, c'est de bien laver les fruits et les légumes avec une brosse de préférence. OK, pas seulement de les passer sous l'eau avec nos mains. Là. La brosse va aider vraiment à déloger. À les décoller, oui, c'est ça, exactement. Hein? Évidemment, avant de les consommer, il semblerait aussi que la cuisson pourrait aider également à diminuer la quantité de pesticides. Ou à les décomposer dans l'eau bouillante, effectivement. La dilution, finalement. C'est ça. Et le fait aussi de peler la pelure des fruits et des légumes aussi, mais là, on se prive alors des fibres et des antioxydants. C'est un fait, oui. Donc, le groupe environnemental recommande également de privilégier la consommation de fruits et légumes qui provient de la quinzaine propre, donc ceux qui contiennent le moins de résidus de pesticides. Donc, c'est une belle façon aussi. Et finalement, ils encouragent également d'opter pour la version biologique des fruits et des légumes qui proviennent de la douzaine sale plus. Donc, ceux qui sont le plus contaminés, peut-être, privilégiez la version biologique. Tout à fait. Évidemment, si vous en mangez fréquemment et qui sont disponibles et que votre portefeuille, évidemment, le permet aussi. Ben parce oui. que l'on sait que souvent, des fois, c'est un petit peu plus cher. Oui. Alors, je terminerai en vous disant que je vous invite à vous procurer les guides de la douzaine sale plus et de la quinzaine propre gratuitement en format de poche à l'adresse www.ewg.org/foodnews en un seul mot. Et ça, c'est un petit guide qui est très utile finalement à l'épicerie. Là, ça nous rappelle ceux qui sont le plus ou le moins pesticides. On peut obtenir une option biologique si on peut se le permettre. Effectivement. Merci infiniment, Geneviève.